comment faire un cours d'histoire sans que ce soit pénible, ou comment expliquer pourquoi le track A va bien avec le B mais pas avec le C, mais pourtant pas si mal avec le D, encore mieux avec le E, mais parfois on sait pas pourquoi avec le F. Et pourtant, là-dedans, je vous jure, on connaît pas notre alphabet. Bonsoir, bienvenue sur Chip Show, une émission dédiée aux musiques électroniques. Qui accueille ce soir le DJ Poisson-Chat. Ouais, enfin bref, on s'emmerde. Ce soir, c'est Poisson-Chat sur l'antenne de Chip Show. On fait une émission un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne sera pas à l'antenne et on envoie un set du boss de Poisson-Chat Musique. Qui sera là ce week-end, samedi exactement, au Wax Club au boulevard Anspach à Bruxelles. Samedi 28 au Wax Club, et pour un DJ set un petit peu différent de ce qu'on peut entendre d'habitude à Bruxelles. Enfin bref, quelque chose d'un peu frais et nouveau pour vos oreilles, ce sera samedi 28 au Wax. Et allez sur poissonchatmusique.net pour avoir toutes les informations sur Poisson-Chat et le label Poisson-Chat Musique et toutes ses sorties. Et en attendant, profitez-en avec cette heure de mix dans les tréfonds des profondeurs de la musique. Yeah. Et non, on ne fête pas l'anniversaire d'Eric. Show, présenté par... Assis, Belisa, Thomas et Nico Gomez.